pas si bête, une chronique sur le monde sonore animal. Aujourd'hui, le lynx boréal. Il ressemblerait presque à un gros chat sauvage. Il miaule, il ronronne, il feule, il crache. Mais lorsque la période des amours arrive au cœur de l'hiver, c'est une autre affaire sonore. La bête semble transformée. Car lorsque le lynx appelle de tous ses voeux la femelle, on a l'impression d'entendre un cri humain. Une sorte de râle rauque qui se fait entendre en plusieurs temps, quelques cris suivis d'une pause, et il recommence. Ce qui permet ainsi à la femelle de savoir où le mâle se trouve, la femelle choisissant alors de lui répondre ou pas, de le rejoindre ou pas. Et pour diffuser au mieux son cri, le lynx privilégie les promontoires, comme les zones rocheuses par exemple. Sa voix portera ainsi plus loin, sur quelques centaines de mètres. Cet appel est d'ailleurs l'une des rares façons que nous ayons de déceler la présence du lynx, car le félin vit de manière solitaire. Et surtout, il est très discret. Si vous vous promenez dans les forêts où il vit, il peut être là, tapis, en train de vous observer sans que vous ne le voyez. Car le lynx est en dehors de la période des amours, tout en silence. Il chasse à l'approche et à l'affût, capturant ses proies par surprise, essentiellement des chevreuils. Cela dit, il y a peu de chances que vous croisiez un lynx boréal en France. Si au XVIIIe siècle, l'espèce était présente dans l'ensemble de l'Europe, du Nord jusqu'à la Méditerranée, elle a été fortement fragilisée par la disparition des forêts. Aujourd'hui, on le trouve principalement dans le Nord de l'Europe, en Scandinavie et en Russie. Dans l'Europe de l'Ouest, il survit sous forme de petites populations disséminées de taille réduite. On compte une bonne centaine d'individus en France, dans le Jura, les Alpes, les Vosges, où le destin du félin reste toutefois incertain. La figure du lynx a longtemps fait partie de nos paysages imaginaires, une forme de fascination qui est peut-être due à son physique de gros matou. Quoique, ce félin possède des caractéristiques qui lui sont propres, favori de poils noirs ou blancs sur les joues, oreilles triangulaires surmontées de touffes noires et queue courte. Parmi les récits mystérieux que l'on trouve sur le lynx, on raconte que son urine pourrait se cristalliser, se transformer en pierre précieuse aux effets miraculeux. La rubélite, nom de cette pierre, soignerait ainsi les maux de ventre. Quant à son regard, le fameux œil de lynx, eh bien non, le lynx n'y est pour rien. C'est du côté de la mythologie grecque qu'il faut chercher l'origine de cette expression. Avec le héros lyncé, dont le regard était capable de traverser les nuages les plus noirs du ciel. Ce qui n'empêche pas notre lynx de posséder de bons yeux, comme tous les félins, sans pour autant avoir une vue d'aigle. Pas si bête, une chronique de Céline Duchesnay avec la complicité d'Estelle Germain, du CRO et de la Sonothèque du Muséum National d'Histoire Naturelle. Réalisation, Laurent Poivret.